the recent episodes on our podcast. You can get it on Spotify, iTunes, Google Podcasts, and anywhere podcasts can be found. Now stay tuned for Bonjour, Minnesota. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612 341 0980 pendant les chansons, à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com et en direct sur Facebook. You're listening to Fresh Air Radio Communautaire, qui est... Community Radio. Yeah, almost. KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Hello, hello. Bonsoir, Freddy. Comment ça va? Eh ben, ça va bien. Ben, moi aussi. Well, then let's move on to music. Okay. No. That's it. Yeah, well, I'm not even prepared, actually. Yeah, we're a little... to launch music right away. Yeah, it's not that we're running late, but it's just... It's a good time. Yeah. 3 minutes. And but yeah, I feel unlucky, though, because the laptop is firing up much faster than like 20 years ago. Like we would still be... waiting. Waiting, yeah, for sure. Yeah. For sure. So tonight is a... playlist that you partly did and I partly did, so. And it's really like there was no theme. No. A lot of the songs that I at least that I chose are from very recent albums. Yeah, same. So except one. Well, which I think would it be the first one, Carlos? Yeah, Big Bisou is a yes, and it's an exception. So the first song, Big Bisou, which means big. Kisses. Yeah. It's like, you know, like a typical party song by Carlos, who was some kind of an entertainer back, you know, like from in the 70s, 80s. Yeah. And actually, his mom was Françoise Dolto, the world-renowned child psychologist. I might have known, but... And so that song, the reason why I decided to play it tonight, I heard about it on the radio, on a French show that I'm listening to, that I listen to on a daily basis. And they said that this song, because it's about, you know, kissing, but even just on the cheeks, it is banned from radio waves in France. It's been banned for about 2 years since the pandemic started because they think, I guess, that if you hear a song about giving kisses, that you will want to kiss people on the street, or I don't know, and of course, sure. Transmit COVID-19. Yeah, that's for sure. Yeah, of course. I'm gonna plug my hair. No, I'm just going to leave the studio while it's playing because I don't want you to, you know. So that will be the first song that we are going to play, but that's the only one that's older. Well, some of the songs... I mean, from my playlist, from my part of the playlist. Yeah, some of the songs are a little bit older, not necessarily, but like I'm thinking about Francis Cabrel, for example. Oh, yes, yeah, that's right. It's a recent live. Yes, but the songs are older. The songs are well-known from older. But otherwise, on my side, after that, I took some... I selected some artists that are pretty much unknown. So that should be nice too. Like your uncle Bernard and... Nope. No. Okay. No, my uncle is not singing. He's a very proud person. I'm not sure so he did. He just doesn't want to make a fool of himself, mm-hmm. which is a very, which can be a yeah, smart thing to do. A wise quality. So, yeah. You know, he doesn't drink very much either. Okay. So that might help. Yeah, mm-hmm. Or not. Or not. All right, allez, on y va. Allez, c'est parti, mon kiki. So, Big Bisou is with Carlos, and two songs from Vianney. The first one is Beau Papa, mm-hmm. and Black Stepfather. Yes, because, and just, you know, I like to tell the story behind the song. Please, tell. So, Vianney and his wife just had their first child together, but she had a child before they got married, the song is about his stepdaughter that he loves exactly like if he was her dad, that's the that's what the song is about. Nice, so. Very nice. Yeah. And Beau Papa is also father-in-law, and I thought that's what it was until I heard the song. Yeah. And then the second song from Vianney is going to be Parce que c'est toi, mm-hmm. because it's you. Yeah. All right. Eh ben, très bien. On y va for real, if it works. Yeah. Is

ébranla. On s'aimera. Si tu crois un jour que je te laisserai tomber pour un détail, pour une futilité, n'aie pas peur, je saurai bien faire la différence. Si tu crains un jour je te laisserai faner la fin de l'été, un mauvais cap à passer, n'aie pas peur, personne d'autre pourrait si facilement te remplacer. Oh, oh non, pas toi. Vraiment pas toi. Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir. Parce que c'est toi. Rien que pour ça. Parce que j'avoue, je suis pas non plus tenté de rester seul dans un monde insensé. Si tu crois un jour que tout est à refaire, qu'il faut changer, on était si bien à guerre, n'aie pas peur, je veux pas tout compliquer. Pourquoi se fatiguer? Et commence pas à te cacher pour moi. Oh, oh non, je te connais trop bien pour ça. Je connais par cœur ton visage, tes désirs, ces endroits de ton corps qui me disent encore. Parce que nous c'est fort. Parce que c'est toi j'oserais tout affronter. Et c'est toi à qui je pourrais pardonner. Parce que c'est toi. Rien que pour ça. Parce que c'est toi, je voudrais un jour un enfant. Et non pas parce que c'est le moment. Parce que c'est toi. Je veux te voir dedans. Je verrai dans ses yeux tous ses petits défauts. Parce que parfait n'est plus mon créneau. Parce que c'est toi. Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir. Parce que c'est toi, rien que pour ça. Parce que c'est toi. Et voilà. Et voilà. Stéréo. So we listen to Carlos with Big Bisou. Big Bisou. Boom. Boom. Boom. And then Vianney with Beau Papa. And Parce que c'est toi. Another song by Vianney featuring Mentissa. And Mentissa is a young singer who was one of Vianney's, I'm going to use quotation marks, like students in The Voice France last year. So he was coaching her. Nice. And voilà. That's nice. Very nice. Yes. So we like Vianney. Yeah, I like him. Yeah. He's good. That's why I chose to play some of his songs tonight. And so we're going to listen to three more songs. Exactly. And I don't, I can't see. I remember Angèle with Démon. Yeah, but it's not the first one. It's not the first one. Yeah, first we're going to have Camille Lelouch. Ah oui. Mm-hmm. And not Lelouch. Non. À ne pas confondre. With Dans ma tête, mm-hmm. In my head. And then after that, it's going to be Jiménez with Petite Sœur, mm-hmm. Our Little Sister, featuring Fédouaz and Angèle with Démon. With Démon. And Démon, well, that's one of Chloé, my daughter, that's one of her favorite songs right now. Mm-hmm. And Démon is featuring Damso, who's the French rapper who... Is he French or Belgian? Oh, maybe he's Belgian, I don't know. He's the same thing. No, and that Damso was already pretty popular, who invited Angèle at the very beginning to open for him. Yeah. And so that's like a way to thank him on her second album. She made that song with him, Démon, which is a really good song. I like it. Demons. Yeah, Demons. He's a Belgian Congolese. Okay, yes. He's Belgian. He's not French. No, okay. That's okay. But he sings in French. Yes. Yeah, he's not one of the Dutch-speaking ones. No. So, well, let's go. C'est All parti. Right, on y va. Yes, that looks good. Yeah. Thank you. Oh, that looks good. Okay. I thought you said you look good. Yeah. No. J'ai commencé à tout te dire, j'ai commencé à tout écrire, j'ai commencé à digérer que ça allait être compliqué longtemps avant de te parler. J'ai commencé partout, j'ai commencé partout, mais tu m'as dit les mots qu'il fallait, oh non, ouais. T'imaginais que j'avais vite percé, t'imaginais que j'étais pistonné, t'imaginais que c'était facile de faire tout ça, c'est dans ta tête. J't'ai pas forcé à t'abonner, non. J't'ai pas forcé à pas m'aimer non plus. Et quand tu vois tout ce que je fais, t'es obligé d'admettre, tu m'aimes au moins dans un domaine. Tu m'as déjà vu partout, tu m'as déjà entendu partout. Ça t'énerve, ça t'énerve, mais quand y'a du talent, c'est dans ta tête. Je te dis pas, je te dis pas tout ce que j'ai vu. On me l'avait dit, c'est comme une maladie que tu soignes jamais si tu vas pas au bout de tes envies. Si tout s'arrêtait maintenant, est-ce que tu te battrais pour moi encore? Tu dirais que je suis ta resta. Et quand je suis plus là, le game ne marche pas, c'est dans ta tête. Oh, douceur humaine est devenue femme. Tu sais, j'ai des frissons quand la foule t'acclame. Je suis débordée quand les gens te critiquent. Excuse-moi de m'emporter, t'es un personnage public. Je connais pas ton milieu, le monde de la musique. J'essaie de faire de mon mieux pour assurer la famille. T'es notre plus grande fierté, t'es notre plus grande réussite. Tu nous fais oublier tous ces moments tragiques. Je te revois petit dans ta chambre à faire des reprises de Wallen. Maintenant c'est le public qui chante tes morceaux parce que c'est toi qui soulage leur peine. Petite sœur a grandi vite, quand je réalise ça, ça me fait sourire, yeah. Petite sœur est devenue dame, je veux pas grandir, je reste dans nos souvenirs. Dans tes yeux, j'aurais jamais pu lire l'avenir. Dans tes cœur t'a touché, coulé. J'suis trop émue, là tu m'as toute secouée. J'en veux pas quand tu veux répondre aux critiques. Moi-même j'm'habitue à être un perso public. C'est vous ma force, pour vous j'vais rien lâcher. C'est grâce à notre passé que je peux avancer. J'ai la tête sur les épaules et elles sont grave solides. Quand je pense à notre enfant, j'deviens trop nostalgique. J'me revois petite dans ma chambre, dans ma chambre. À faire des reprises de Wallen. Maintenant c'est le public qui chante mes morceaux parce que c'est moi qui soulage leur peine. Petite sœur a grandi vite, quand je réalise ça, ça me fait sourire, yeah. Petite sœur est devenue dame, je veux pas grandir, je reste dans nos souvenirs. Dans tes yeux, j'aurais jamais pu lire l'avenir. Dans tes yeux, jamais pu lire l'avenir, yeah. Je parle au nom de toute la famille, que ce soit Wafa ou Adil. Je te souhaite toute la réussite du monde, car c'est toi qui représente notre nom. Je parle au nom de toute la famille, que ce soit Wafa ou Adil. Je nous souhaite toute la réussite du monde, car c'est moi qui représente notre nom. Petite sœur a grandi vite, quand je réalise ça, ça me fait sourire, yeah. Petite sœur est devenue dame, je veux pas grandir, je reste dans nos souvenirs. Dans tes yeux, j'aurais jamais pu lire l'avenir. Dans tes yeux, j'aurais jamais pu lire l'avenir, yeah. Enfin ça allait, confiante de peur de rien avant de tomber. On verra bien demain, mais ça plus jamais. J'ai pas l'air de m'en faire, mais si vous saviez comment c'est dans ma tête, ça me fait briller. L'angoisse me fait la guerre et part en fumée. Jour après jour je m'habitue à mes ennemis qui me tuent, et j'apprendrai toutes les vertus. Quand j'en attends trop, je suis déçu. Mais grâce à ça, moi j'évolue. Comment faire pour tuer mes démons? Quand maintenant j'en ai fait, j'ai plus mon nom. Mes démons, mes démons, mes démons. J'pute avec Angèle, pas de gros mots radio, faut qu'on passe. Au lieu d'un nicta, non, non, j'dirais grand bien leur face. Portefeuille achromate, ne voit que violet, vert, ice. J'suis dans la zone, rageux, me suis par la trace. Comment faire pour tuer les haineux? Juste en en parlant plus. Faux rappeur, non, pour moins de buts que j'ai d'albums vendus. Très sincèrement, si je m'en vais, je ne reviendrai plus. Ils ont exploré autre chose, me perdre dans le cosmos. Ils parlèrent dans mon dos couvert de bêtes, mon cher italien. Dans leur derrière, j'prends un don de quelques futurs homo sapiens. J'suis l'avatar du game, je maîtrise les quatre éléments. Je rappe, je chante, je produis, j'écris pour les gens. Je sais comment faire pour tuer tes démons. Comment non jamais faire, j'ai plus de monde. Si la magie a perdu, c'est ton monde. Comment faire pour tuer mes démons? Tuer mes démons. Comment faire pour tuer mes démons? Comment non jamais faire, j'ai plus de monde. Medica now offers no-cost medical assistance plans in Hennepin County that feature a no-cost gym membership. The plans will also include weekly discounts on groceries, plus access to a large network of doctors, clinics, and hospitals. If you qualify or if you're currently on medical assistance, you can get it all with Medica. They can help you get started today. Just go to medica.com/no-cost-gym. That's medica.com/no-cost-gym. Programming is supported by Two Betties. Everybody knows about Two Betties. It's the locally owned company providing green cleaning services for residential and commercial spaces. Besides being eco-friendly, Two Betties is known for offering its employees flexibility, living wages, health insurance, and a 401k. Two Betties is looking for people to join their team now. To learn more, go to twobettiesclean.com/jobs. That's twobettiesclean.com/jobs. Et voilà. Voilà, voilà. We are back. Exactly. After the Two Betties. Yep. So we just listened to Camille Lelouch with Dans ma tête, in my head. Then Jiménez with Petite Sœur. And then Angèle with Demons. Démons. With Damso. Le Belgio. Le Belgo. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si on dit belgo. Belgo. Belgo. Mm. Ok. C'est parce que c'est les belgofres. Ouais, voilà. Oh putain. Et puis tu sais, un beffroi, il y en a beaucoup par là. Ouais. On dit belfrite. Yeah, c'est pareil. Ah, belfrite. Belfrite. Okay. Voilà. Ah, les différentes cultures. Oh là là là là. Qu'est-ce qu'on est culturé, dis donc. Ooh. So we're going to listen to more music. Yeah, I'm going to gather a little bit of events coming up. Yes. But yeah, it's coming up. So we're gonna listen. Now we're gonna listen to Benabar. Aha, aha! And just released a new album. Exactly. He's very prolific. He's been very prolific lately. Yeah, because he had another one last year, right? Yep. Indocile Heureux. Mm-hmm. So on this one, we're gonna listen to Indocile Heureux, the album. But the name of the song is Tous les divorcés. Mm-hmm. All the people divorced. Then the second song is On lâche pas l'affaire. Mm. Which is the title of the new album, I believe. Yeah. Mm-hmm. Exactly. Yes. Oh, qu'est-ce que t'es bon. Oh là là. It means like, we don't give up. No. And then, Que Malaké. Which is in the sixth. Is it?

mettre un genou à terre, surtout jamais les deux. Faire comme hier, se relever comme on peut. Tomber de cheval, de vélo, sur un os. Remonter tant bien que mal, sans cacher ses bosses. C'est qui le boss? Lâche pas l'affaire, même quand ça se coule, même quand ça remue, on va pas nous la faire nous. Jamais battu, on se tient peut-être mal, mais on tient bon, on ferait une chorale si on nous coupait le son. Oh non. Passer par-dessus bord, ceux qui nous ont poussés, nous verrons nager au port pour à nouveau embarquer. Il paraît que les plus forts refusent certains combats. Comme on n'est pas les plus forts, ça nous concerne pas. Certainement pas. Oh non. On lâche pas l'affaire, même quand ça se coule, même quand ça mûre, on va pas nous la faire nous. Jamais battu, on se tient peut-être mal, mais on tient bon, on ferait une chorale si on coupait le son. Oh non, on s'accroche, on s'accroche. Glisser sur du verglas, faire rire les gens autour, trouvez pas ça marrant, et puis rire à son tour. Je voudrais dire aux gosses que la vie, je crois, c'est faire du patin à glace pour la première fois. Et puis voilà. Ah ouais. On lâche pas l'affaire, même quand ça se coule, même quand ça remue, on va pas nous la faire nous. Jamais battu, on se tient peut-être mal, mais on tient bon, on ferait une chorale si on nous coupait le son. Alors, on lâche pas l'affaire, même quand ça se coule, même quand ça mue, on va pas nous la faire nous. Jamais battu, on se tient peut-être mal, mais on tient bon, on ferait une chorale si on nous coupait le son. Quai Malaquais, un passant marche à vive allure. Il évite l'imprudent, de justesse une voiture. Au volant de cette voiture, en grande conversation, une femme qui a de l'allure s'engage sur un pont où deux amoureux, un baiser sur la bouche, ferme les yeux, passe un bateau. À son bord, des touristes savourent la vue des quais de ce Paris qui insiste à rappeler ce qu'il était, la carte postale en vrai. Nos baisers vagabondent ainsi de suite, bout à bout, dans le monde, il y a du monde, ailleurs et partout. Dans le monde, il y a du monde, une foule solitaire dans la cohue féconde qui s'affaire et s'indiffère. Sur un escalator, des ados turbulents montent vers dehors, un type immobile descend. Il s'élance en retard vers son RER, sans un regard pour l'homme par terre. Il ne voit pas non plus les trois soldats en armes qui, eux, ont bien vu cette jolie dame. Elle saute dans le métro, les passagers s'éparpillent. La ville est une meule de foin dont nous sommes les aiguilles. nos baisers vagabondent, ainsi de suite, bout à bout. Dans le monde, il y a du monde, ailleurs et partout. Dans le monde, il y a du monde, une foule solitaire, dans la cohue féconde, qui s'affaire et s'indiffère. Je sens les vibrations du métro sous mes pieds. Je sursaute, attention, on vient de me klaxonner. Perdu dans mes pensées, c'est toi que j'y cherchais. Je suis ce passant pressé du quai Malaquais. Nos baisers vagabondent, ainsi de suite, bout à bout. Dans le monde, il y a du monde, ailleurs et partout. Dans le monde, il y a du monde, une foule solitaire, dans la cohue féconde, qui s'affaire et s'indiffère. Ainsi de suite, bout à bout, ailleurs et partout. Une foule solitaire, dans la cohue féconde, qui s'affaire et s'indiffère. Et toi, on se va et vient, entends-tu au moins? Et voilà. Voilà, voilà. We were back after three songs by Benabar. Benabar. Always funny. He's very, he's very articulate, and his songs are real bad stories and and things that happens. I mean, it's never really like vague about, you know, feelings or whatever. Yes, and sometimes it really, you know, reminds you of events in your life. I'm thinking of one of his songs that we should play sometime. Maritier et Gilbert Carpentier. It was a couple. They were TV producers, and all the shows, like, you know, variety shows that I was watching when I was a kid, that was, you know, presented by Gilbert and Mariti Carpentier. And his song is really, I mean, it's like what my sister and I were doing, like on a Saturday night, you know, we would go in our rooms, wear our PJs, get ready for bed. But we would watch that show for like 2 hours. So once it's over, we can go directly to bed. Yeah. And that's exactly what he says in that song. So it's very touching. And it's always, in French, you would say juste, you know. Yeah, it's on point. Yeah. So. My favorite song from the same album, where he has like Maïté and Gilbert Carpentier, is the one where he's talking about the house. Oh, yeah. I mean, la maison, and, you know, it's a house, and, you know, you get a young couple, and they get a kid, and two, and they grow, and then there's the grandkid, and some of the toys are getting a second life, and and then it's too big, so they downsize, and things like that. But, you know, I think he's putting his place in someone selling the house and talking about the story of the house, and it's not just a house, that it's filled with memories. And, right, yeah. Talking about the memories and people living in there. All right, should we listen to more music? Should we back announce? Oh yeah, that's true. So the first song of the series from Benabar was Tous les divorcés, then On lâche pas l'affaire, and then Quai Malaquais. And now we're going to listen to Jane Birkin. Jane Birkin. Jane Birkin. Yeah. Tutti, tutti, tutta. I got some from the 60s period. Yeah. But that is a very recent one from 2020. So it's from her album called Oh, pardon, tu dormais. Oh, sorry, you were asleep. And the first song is the same title. Yep. Oh, so pardon, that's easy for us. Yeah. It's featuring Etienne Dao. And then the second song is Ces murs épais, the very thick walls. Yep. And the last one of the series, the third one, is going to be Cigarette. Yeah. All right. Eh bien, c'est parti. On y va. Oh, pardon, tu dormais. ne dors plus, tu vois bien. Le moment est parfait pour me dire si tu m'aimais, si tu m'aimais encore. Oh pardon, tu dormais. Ouais, tu m'as réveillé. T'aurais pu m'empêcher d'un mouvement de ta main. Je n'aurais pas commencé. Tu aurais dû me dire, reste, je te garderai. Oh pardon, tu dormais. Je te sens énervé. Parfois il me semblait que je t'aimais tellement fort que j'allais éclater en te voyant rentrer le soir. Oh pardon, oh pardon, tu dormais ce soir. Oh pardon, tu dormais. Là, on va s'engueuler. À moi, courir vers toi comme dans tous ces films. Mais j'étais à ton cou, mais je restais figée. Et oui, ça, tu le voyais. Oh pardon, tu dormais. T'as fini de m'emmerder. Mais où donc est passée cette chose lumineuse en moi? Je voulais la passion qui empêche de penser et qui empêche d'être lucide. Oh pardon, tu dormais. Que c'est terminé. Je te faisais la gueule parce que t'étais rentrée sans même me dire bonsoir, même pour un chien. On a des gestes. Oh pardon, tu dormais ce soir. Au pied de ton lit, je suis un chien. Oh pardon, tu dormais ce soir. Rose et de C'est fini. You're making fun. Yeah, well. A little bit. C'était Jane Birkin. Ah oui. For those who don't know her, she was a model, an actress, and a singer in the 60s. And she was Serge Gainsbourg's wife and Charlotte Gainsbourg's mom. She is. Indeed. She is, yeah. But she was his wife because he passed away. That's well, why they divorced before, too. Yes. Because yeah, and then she was with I don't know if she still is. I don't know with Jacques Douanon. But they had Lou. Mm-hmm. But Lou is now she's about the age of Charlotte. I mean, younger, but she's younger, but not by by much. Mm-hmm. Yeah, Lou Doyon, who's also part of the family. So Jane Birkin with Oh, Pardon, Tu Dormais, featuring Etienne Dao, then C'est Mieux Épais, and then Cigarette. And vous écoutez Fresh Air, radio communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Et vous pouvez nous contacter au 612 341 0980 pendant les chansons, à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com et en direct sur Facebook. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.2 FM Minneapolis, St. Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. We're also on the various social media, so we're on Facebook, Instagram, and Twitter, mostly to say when the show is going to come. Or, I mean, for Facebook, we post like various articles, and today what I posted was a post wishing an happy birthday to Louise. Oh yes, yes, because joyeux anniversaire. Yeah, joyeux anniversaire. Pom pom pom. Joyeux anniversaire. Pom pom pom. Joyeux anniversaire, chère Louise. Joyeux anniversaire. Pom pom pom. The pom-pom-pom is really what makes the difference. Unique. Yeah. Yeah. So we won't tell her age, but she's not 69. And she's the other way around. And yeah, and wish her well. Mm-hmm. It's been a while. I'll try to call her mm-hmm. if I can. Yeah. I was thinking sure about it and like I got that. Busy. Yeah. And yeah, the Parisian from Lycée Victor Hugo. Mm-hmm. We went to the same lycée or the same high school, yeah. Which is not exactly the case because I was diverted a little bit before I went to the high school there. Mm-hmm. So I went to the middle school part of it. Yeah. But yeah, exceptional life story. Oh, so yeah. There's that. Of course, I didn't prepare the events because we were chatting. And yeah. I wanted to talk about something else. And that's okay to chat. Yeah, it is okay to chat. Now, I still want to talk about the event, so we will, not quite right away, but... Stay tuned. Yeah. I just wanted to pay tribute to Bill Kottman and from Mostly Jazz, who passed mm-hmm. away recently. It was not someone I knew, but, you know, it's always sad when a programmer is leaving us. So, yeah. Rest in peace. Well, what about we listen to more music and then I'll come back with some of the events. Sounds like a plan. And both screens are blinking. Maybe no, I don't see the screens blink. No, I think it's, you it's have me. To get your eyes checked. I should. Yeah. I haven't done that for about 5 years at mm-hmm. least. We're going to listen to Francis Cabrel. Yeah, it's a live. Yes, album. Troubadour Tour, mm-hmm. alive. And the first song is going to be La Robe et l'Échelle. Mm-hmm. I like that song. The Dress and mm-hmm. the Ladder. The Ladder. Then a very well-known song called Je t'aime à mourir. Je l'aime à mourir. Oh, yeah. Mm-hmm. Yeah, maybe. Mm-hmm. Yeah, I love her to die. Yeah. And Quoi dire? What to say? Yeah. All eh bien, right. C'est parti. On y va. Moi l'échelle contre un cerisier. T'as voulu monter la première. Et après, y'a tant de façons, de manières de dire les choses sans parler. Et comme tu savais bien le faire, tu l'as fait. Un sourire, une main tendue, par le jeu des transparences, ses fruits dans les plis des tissus qui balancent. S'agissait pas de monter bien haut, mais les pieds sur les premiers barreaux, j'ai senti glisser le manteau de l'enfant. On n'a rien gravé dans le marbre, mais j'avoue souvent y penser. Chaque fois que j'entends qu'un arbre est tombé, un arbre s'est vite fendu, le bois, quelqu'un a dû le vendre. S'il savait le mal que j'ai eu à descendre. Et d'ailleurs en suis-je descendu, ces jeux de transparence, ces fruits dans les plis du tissu qu'ils balancent. J'ai trouvé d'autres choses à faire et d'autres sourires à croiser, mais une aussi belle lumière, jamais. À la vitesse où le temps passe, le miracle est que rien n'efface l'essentiel. S'envole un ombre légère, tout sauf ce goût de fièvre et de miel. Tout s'est envolé dans l'espace, le sourire, la robe, l'arbre et l'échelle. À la vitesse où le temps passe, rien, rien n'efface l'essentiel. D'autres choses à faire et d'autres sourires à croiser, mais une aussi belle lumière. Et voilà que du sol où nous sommes, nous passons nos vies mortelles à chercher ces portes qui dorment vers le ciel. Voilà que du sol où nous sommes, nous passons nos vies mortelles à chercher ces portes qui dorment vers le ciel. J'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, tout reconstruire. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline. Elle danse au milieu de forêts qu'elle dessine. Je l'aime à mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir. Pour monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois. Je l'aime à mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir, de lui appartenir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, tout reconstruire, tout reconstruire. L'oiseau chante sur la branche qui tremble. On entend au loin le chien qui aboie. Et l'enfant demande, est-ce qu'ils parlent ensemble? Quoi dire? Les yeux vers le ciel encore ils demandent. Les nuages sont en forme de quoi? Qui peut bien avoir des mains aussi grandes? Quoi dire? Merci d'être là, jolie tête blonde. Merci de me dire qui j'étais. Y'a qu'à ta hauteur qu'on peut croire le monde parfait. L'oiseau qui te suit, le vent qui t'écoute et qui te murmure un secret. Toute cette poésie qui se perd en route. Comment? Pourquoi? Qui sait? Au bord du chemin, une fleur se penche et l'enfant demande, est-ce qu'elle fait ça pour saluer ma jolie robe blanche? Quoi dire? Comment rassurer tous ces enfants d'hommes qui dorment à moitié, qui rêvent et qui voient sous chaque rideau les pieds d'un fantôme? Quoi dire? Merci d'être là, jolie tête blonde. Merci de me dire qui j'étais. Y'a qu'à ta hauteur qu'on peut croire le monde parfait. L'oiseau qui te suit, le vent qui t'écoute et qui te murmure un secret. Toute cette poésie qui se perd en route. Comment? Pourquoi? Qui sait? J'ai quelques idées, j'ai quelques réponses que je dois te dire plus tard. Mais Si ça se trouve, elles sont toutes fausses. Et c'est toi qui as raison. Va savoir. Et voilà. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. Yes, 90.3 FM and streaming on KFAI.org. Exactly. Just remember that every show is recorded as we speak. So all the stupid things we say, they're on tape. Yeah, and they're there for eternity. Eternity. So if you go to KFAI.org and look for the page Bonjour Minnesota or the program Bonjour Minnesota, you can see not only the past 2 weeks, but you can also see the past year or two so easily. So if you miss a show, the next day it's on and it stays on and it might move because the newest shows are taking the space, but you still have plenty of time. So, yeah, let's talk about the events. Oui. So, until January 3rd, this Paris en mouvement, exposition de Michael Hoffman. Does that happen to you sometimes when you have a word that's the same in French and in English, you kind of hesitate to say it either in French or in English? Like Hoffman? No, like exposition. I was saying, like, I started to say exposition. But the thing is, if you say exhibition in French, well, that's kind of different. That's true, because it's not an exhibit. No. So it's on. I mean, it started on Wednesday, December 1st, and go until Monday, January 3rd. It's at the Alliance Française itself. It's at the gallery, the Valir gallery. So you know, it's available as soon as at the same time as they are open. So during business hours, during the week, and on weekends. AFMSP.org. Then on December 15th, it's Wednesday, so tomorrow, 12:30 to 1:30, for lunch break, join the Alliance Française for a French conversation from the comfort of your couch. So it's online. Same deal, AFMSP.org. Check out the event, and you probably, because it's online, you probably need to register. Most events you need to register anyway, so... Aperitif en français, December 16th, it's on a Thursday, from 6 p.m. to 7:30 p.m., and it's at the University Club of St. Paul. And, yeah, so check it out. I used to go. I went a couple of times, for sure. It's nicer in the summer, too. Yeah. But, it's cozy in the winter. That's true. I mean, the building is very comfortable. I mean, it's at the bar, too, so you can order whatever you want. Then, on the 17th, Friday, from 6 to 8 p.m., there's going to be the Ciné Club. It's starting back every month. And the name of the movie is going to be Si le vent tombe. And they don't say, it's in La Grande Salle. They don't say anything specific. I mean, just check it out, afmsp.org. So this way you have the hours, you have the COVID instructions, and And to finish the series of events, on Saturday, December 18th, there's Lecture Facile, or Easy Reading. It's between 2:30 and 3:30 at the Alliance Française. Read French text together with our beginning book club. I do not know. I'm going to click on the event to check it out. If it's, online. So there's a Zoom link. So you need to register and then you get the Zoom link. Ta-da! All right. Eh ben voilà. So now we're going to... Hey, your set is over now. Yeah, so now let's move on to yours. Exactly. So we're going to listen to three songs. It was a little bit ago that we haven't... I mean, I thought it was too long that we haven't heard this artist, and he has a new album. So Eric John Kaiser. Oh, yes. Yeah, so three songs of him. And he's from a most recent album called Vieux. Auto-produced, and vieux means old, but that can be also dad or, you know, old friend, you know, old pal. Salut vieux. And we're going to listen to the first song called Loin or Far. Then we're going to listen to another song called Black Friday. I should have played it like before Thanksgiving, featuring Samir Wissi. And then the song Hors Réseau, Outside the Network. And he's talking about disconnecting and, you know, very appropriate for our times. So. Definitely. Et bien, c'est parti, mon kiki. lentement octobre s'éteint. L'été a été long. Toujours les mêmes refrains. Cette fois, il s'en va pour de bon. Gardez les yeux sur la route. Les mains sur le volant. Enterrez tous ces doutes. Toujours aller de l'avant. La princesse n'est jamais devenue reine. Achevé, il a déposé son armure, son drapeau blanc souillé. C'est la fin de la dictature. La princesse n'est jamais devenue reine. No. leurs offrandes et leur propagande. Il n'y aura pas pour tout le monde. Let me in, let the shopping world begin. Consume more than you need to live up to the greed. To keep up with our Joneses, watch me pile up my possessions. The more I have, the less I feel. The dream of this nation. Live for anybody, consumers till we die. Can't get enough to be satisfied. À chaque Black Friday, le chant des sirènes, des brebis égarées. Mon rêve s'est brisé au son d'un requiem. Adieu ma belle Odyssée. Malgré leurs offrandes et leur propagande, il n'y en aura pas pour tout le monde. Malgré ce qu'ils nous disent et leurs friandises, il n'y en aura pas pour tout le monde. Malgré leurs promesses et toute leur grande messe, il n'y en aura pas pour tout le monde. Pour me sentir vivant, Et voilà, voilà, voilà. Et voilà, we're back after three songs by Eric John Kaiser. Exactly. Which I didn't know, I had spent quite a bit of time in Tours, in France. So when we had the sister cities, I could have included him in the set. Exactly. Like with Zaz and Brahim and who else is famous from Tours? I think that's about it. Zaz. Rabelais. Mm-hmm. Yeah, but his singing ability was... His singing abilities were pretty limited. Well, how do you know? I know people who are doing a lot of writing, they are not good at singing. Okay. Plus, I'm sure he was an introvert. Oh, yeah. All right, so it was Eric John Kaiser, and let me tell you about his songs. We just listened to Loin, or Far Away. Then after that, it was Black Friday. And then the last one was Au Réseau, and he was finishing by saying, you want to feel alive. Like really, like not through screens and stuff. So now we're going to listen to an artist that I met through Bandcamp, through the label La Souterraine. And I really thought La Souterraine was at La Souterraine in La Creuse, but no, they are in the suburb of Paris. Cheaters. Yeah. And his name is Nevers. And, N-E-V-E-R-S? Yep. Like the city in... what is it, Les Deux-Sèvres? No, Les Deux-Sèvres is Niort. Nevers is in Nièvre. Nièvre. C'est Nièvre. Yeah. And we're going to listen to Les Hélicoptères, the helicopters, then Machu Picchu, and then La Vue Depuis l'Après-Midi, the sights from the afternoon. All right. Bah, c'est parti. On y va. Programming is supported by Tech Discounts, the retail arm of Tech Dump. Tech Discounts helps minimize environmental impact by promoting reuse before buying new, with a selection of warrantied refurbished laptops, monitors, stereo equipment, phones, parts to build your own system, repair services, and so much more. You can shop Tech Discounts in person at one of our brick-and-mortar stores in Golden Valley, our new location in St. Paul Midway, or online at techdiscounts.org. Programming is supported by Phyllis Wheatley Community Center, now offering free COVID-19 saliva tests Tuesdays, 11 a.m. to 2 p.m., and Fridays, 4 p.m. to 8 p.m. Phyllis Wheatley also offers free vaccination clinics on the first Saturday of every month, all at 1301 10th Avenue North in Minneapolis. More information about COVID-19 testing and vaccinations and other programs offered by Phyllis Wheatley at 612-254-1145 or at phylliswheatley.org. Les hélicoptères au-dessus de la mer, sur les porte-avions militaires, près des sous-marins nucléaires. le Machu Picchu est recouvert d'obscurité. Tu as tellement raison, la vie est simple. Sur le Machu Picchu recouvert d'obscurité. Le Machu Picchu est recouvert d'obscurité. Tu as tellement raison, la vie est simple. Sur le Machu Picchu recouvert d'obscurité. Et voilà, et voilà. So it was a Nevers with some very short songs. I mean, the first one was like 1 minute and a half. Mm-hmm. Second one was one, and last one was two. So it was quick and easy. So Nevers with Les Hélicoptères, Machu Picchu, and La Vue depuis l'après-midi, and it's from his album Minor Plot Twist from 2021. Mm-hmm. Available on Bandcamp. Okay. Well, we should listen to more then. Of course. We should listen to I Have Lineup, Jérémy Frérot. Ah, ça c'est bien aussi. Not that the other ones were not, but at least Jérémy Frérot, I know. So because you know, it's bien? Yes. Everything I know is bien. I hate changes. I don't like to discover new things. You remind me of my son. We're going to listen to Un Homme, A Man. Ah, that song, I don't know, so it's pas bien. Non, pas bien. And then, qui a raison? Who's right? And then the last one of the series is going to be pareil, meaning the same. Mm-hmm. All right. Eh ben, on y va. Regarde comme je suis, un carré de points. Je vis, je veux, j'oublie, comme toi, ni plus ni moins. Regarde comme je crie, comme je ris aux éclats. Je cours, je crée, je brille, je sais, je ne sais pas. Toi tu veux un homme, toi tu veux un père. Tu me dis ralentis, tu me dis accélère. Et plus je te suis, et plus je te perds. Dis-moi, dis-moi, pour toi c'est quoi? Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi? Un homme pour toi. Un peu dur, un peu fragile. Un peu libre, un peu docile. Un peu fort, un peu sensible. Un peu fou, un peu tranquille. Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme, c'est quoi, je sais pas, je sais plus. Moi je change tant de jeu, lancé je m'avance, je trouve de la place, me crée d'autres espaces. Je te suis, j'invente, je me réinvente, je suis, je m'efface, le feu et la glace. Moi je veux être un frère, un pote, un amant, un phare, un repère, et j'en veux autant. Et plus j'ai d'envie, et plus je me perds. Si tu sais, dis-moi, pour toi c'est quoi? Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi? Un homme pour toi. Un peu dur, un peu fragile, un peu libre, un peu docile. Un peu fort, un peu sensible, un peu fou, un peu tranquille. Un peu de rien, un peu de folie, un peu loin, un peu ici. Un peu rêveur, un peu spleen, un peu joueur, un peu clean. Un peu là-haut, un peu froid, un peu chaud, un peu plus bas. Un peu d'ego, un peu de sale, un peu salaud, un peu calme. Un peu de candeur, un peu de vice, un peu daron, un peu crise. Un peu nature, un peu glace, un peu ou pas dans les cases. Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi? Un homme pour toi. Un homme au pire, au mieux perdu. Un homme c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme c'est quoi? Un homme pour toi. Il n'y a pas de traître, il n'y a pas de voleur, ni Dieu ni maître dans mon cœur. Il n'y a pas de con, il n'y a pas de chaîne, ni état ni patron dans mes veines. Je suis libre, je me sens loin, je n'ai pas envie de prendre un autre chemin. Sans toi libre, dis-moi, qui que tu sois, qui a raison? Dis-moi qui a raison. Pas de vainqueur, pas de vaincu. De la hauteur des cœurs perdus. Qui a raison? Dis-moi qui a raison. Pas de gloire, pas de jugement. Juste des hommes, juste des gens. Il n'y a pas d'entrave pour jouir de la vie. Ni robot, ni esclave dans mon esprit. Il n'y a pas de colère, pas de minimum, ni mauvaise herbe, ni mauvais homme. Je suis libre, je me sens loin, je n'ai pas envie de prendre un autre chemin. Je suis libre, rien ne me retient, rien ne me retient. Sans toi libre, sans toi serein, de marcher aussi sur le même chemin. Sans toi libre, dis-moi, qui que tu sois, qui a raison? Dis-moi qui a raison. Pas de vainqueur, pas de vaincu. De la hauteur des cœurs perdus. Qui a raison? Dis-moi qui a raison. Pas de gloire, pas de jugement. Juste des hommes, juste des gens. Qui a raison? Dis-moi qui a raison. Pas de vainqueur, pas de vaincu. De la hauteur des cœurs perdus. Qui a raison? Dis-moi qui a raison. Pas de gain, pas de gloire, pas de jugement. Juste des hommes, juste des gens. Qui a raison? Dis-moi qui a raison. Pas de vainqueur, pas de vaincu. De la hauteur des cœurs perdus. Qui a raison? Dis-moi qui a raison. Pas de gloire, pas de jugement, juste des hommes, juste des gens. Dans chaque nuage, à chaque pluie, à chaque pluie, les gouttes en nage te mouillent aussi. Souvent tes joies maquillent tes peines, tu fais des blagues. T'es mal à l'aise quand tu t'emmènes, cœur en jet lag. pour moi, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. La fureur de vivre, le manque de cran. Pour un rien, tu vibres, ému tout le temps. Tu parles à ta tête qui parle à ton cœur, tu vis hors du temps. Parfois dans la nuit, tu perds un peu l'heure, tu t'aimes pas tellement. Pour moi, c'est pareil. Si tu tombes, que tu songes, que tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Si tu doutes et redoutes, à chaque seconde, à chaque seconde. Si tu cherches qui se cache dans chacun des traits de ton visage, dis-toi comme un clin d'œil que tu n'es pas tout seul. Pour moi, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. C'est pareil. Si tu tombes, que tu songes, que tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Si tu doutes et redoutes à chaque seconde, à chaque seconde. Si tu cherches qui se cache dans chacun des traits de ton visage, dis-toi comme un clin d'œil que tu n'es pas tout seul. Pour moi, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Et voilà, voilà. So what did we listen to, Freddy? Jeremy Frérot with Un Homme. Jeremy Brother? Yeah. Huh? Yeah, little brother. Yeah, little brother. Bro, yeah. Then Qui a raison? Who's right? And Pareil, or the same. Which is not... Doesn't mean Qui a raison is Pareil. No. Or the same. It's song on itself. We get it. Yeah. Well, you do. I don't know if other people do. Okay. I can't read their mind. No, true. Well, that's too bad. I know. Maybe it's a blessing. Well, I think that might be the last series. We'll see. Mm-hmm. But I have another series from La Souterraine. Mm-hmm. And because they're promoting artists once in a while, and they've done like 2-3 times, they do like a compilation, you know, mm-hmm. like a... so it's called... This one is called Allo Pop 2. Okay. And we have 3 different artists. So the first one is the group Mosla with a song called Eternel, or Eternal. Then Barba Gallo with Debout, stand up, or standing. And Nenu with Allo. Allo, who's like, hello. Like, you know, what's your sound of phone? Allo, quoi, tu me fille, t'as pas de shampoing? Exactly. So. That was a tribute to Nabila. Yeah, I've heard about it. I was gone already, but TV reality still... I mean, that was not too long ago. It was, I think it was at least 5 years. Oh, yeah, at least. But that was... it was within the last 10 years, for sure. But yeah, TV reality has an impact in France as well. All right, well, let's listen to real music. Thing, yeah, let's go. Let's do it. Des habits. veux être aimée pour ma peau et non pas pour des peaux de bête. Aimée pour la soie de mon dos et non pour les soies qui me vêtent. Belle dans le simple appareil d'une fille arrachée au sommeil éternel, éternel. Avec des cheveux c'est facile, on peut se cacher derrière eux. Être aimé sans cheveux, je veux être aimé pour mon crâne, pour mon petit os pariétal. Je veux que les hommes se damnent à mon charme occipital. Belle dans le simple appareil d'une fille arrachée au sommeil éternel, éternel. Avec des chairs c'est trop facile, c'est vulgaire et c'est malhonnête. Mon squelette, je veux être aimée pour le pire, je veux être aimée pour mes os, je veux que les hommes délirent comme des chiens sentimentaux. Belle dans le simple appareil d'une fille arrachée au sommeil éternel, éternel, éternel. Et me tient de belles capiches. Oh. dans un moment de grâce. Et voilà, we're done for the night. One more song and yes. We'll be back next week. And Nikolai just came in the studio for Balkan Jamboree. Yep. So more fun. Next week, Christmas, isn't it? Yes. I mean, it's going to be the Christmas show, that's what I mean. Yeah. So with songs in French, like Petit Papa Noël and stuff. Mm-hmm. And on the 28th, it's going to be a special party. Yeah. So, well, especially that I won't be here. Yeah. Well, party without you then. All right. Let's listen to the last song called Allo. And then after that, it's going to be Nikolai. And bonsoir, bonne nuit. And à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. La nuit tombe comme moi sur toi. Dans mon lit, comme les feuilles. Allô, à l'automne. Allô, allô, allô. Est-ce que tu m'entends? Allô. La nuit tombe, comme moi amoureux. Dans ton lit. Allô, comme le feu. Allô, sur les feuilles. Allô, de l'automne. Allô. Est-ce que tu m'entends? La nuit tombe comme toi sur moi. Dans mon lit comme les feuilles à l'automne. Allô, est-ce que tu m'entends?